Sixième partie, il est nécessaire que les femmes partagent l'instruction donnée aux hommes. Petit 1, pour qu'elles puissent surveiller celle de leurs enfants. L'instruction publique, pour être digne de ce nom, doit s'étendre à la généralité des citoyens et il est impossible que les enfants en profitent si, bornés aux leçons qu'ils reçoivent d'un maître commun, ils n'ont pas un instituteur domestique qui puisse veiller sur leurs études dans l'intervalle des leçons, les préparer à les recevoir, leur en faciliter l'intelligence, suppléer enfin à ce qu'un moment d'absence ou de distraction a pu leur faire perdre. Or, de qui les enfants des citoyens pauvres pourraient-ils recevoir ces secours, si ce n'est de leur mère, qui, vouée aux soins de leur famille ou livrée à des travaux sédentaires, semblent appelées à remplir ce devoir ? Tandis que les travaux des hommes, qui presque toujours les occupent au dehors, ne leur permettraient pas de s'y consacrer. Il serait donc impossible d'établir dans l'instruction cette égalité nécessaire au maintien des droits des hommes, et sans laquelle on ne pourrait même y employer légitimement ni les revenus des propriétés nationales, ni une partie du produit des contributions politiques, si, en faisant parcourir aux femmes au moins les premiers degrés de l'instruction commune, on ne les mettait en état de surveiller celle de leurs enfants. Petit 2, parce que le défaut d'instruction des femmes introduirait dans les familles une inégalité contraire à leur bonheur. D'ailleurs, on ne pourrait l'établir pour les hommes seuls sans introduire une inégalité marquée, non seulement entre le mari et la femme, mais entre le frère et la sœur, et même entre le fils et la mère. Or, rien ne serait plus contraire à la pureté et au bonheur des mœurs domestiques. L'égalité est partout, mais surtout dans les familles, le premier élément de la félicité, de la paix et des vertus. Quelle autorité pourrait avoir la tendresse maternelle si l'ignorance dévouait les mères à devenir pour leurs enfants un objet de ridicule ou de mépris ? On dira peut-être que j'exagère ce danger, que l'on donne actuellement aux jeunes gens des connaissances que, non seulement leur mère, mais leur père même ne partagent point, sans que cependant on puisse être frappé des inconvénients qui en résultent. Mais il faut observer d'abord que la plupart de ces connaissances, regardées comme inutiles par les parents et souvent par les enfants eux-mêmes, ne donnent à ceux-ci aucune supériorité à leurs propres yeux. Et ce sont des connaissances réellement utiles qu'il est aujourd'hui question de leur enseigner. D'ailleurs, il s'agit d'une éducation générale et les inconvénients de cette supériorité y seraient bien plus frappants que dans une éducation réservée à des classes où la politesse des mœurs et l'avantage que donne aux parents la jouissance de leur fortune empêchent les enfants de tirer trop de vanité de leur science naissante. Ceux d'ailleurs qui ont pu observer des jeunes gens de familles pauvres auxquels le hasard a procuré une éducation cultivée sentiront aisément combien cette crainte est fondée. Petit 3, parce que c'est un moyen de faire conserver aux hommes les connaissances qu'ils ont acquises dans leur jeunesse. J'ajouterai encore que les hommes qui auront profité de l'instruction publique en conserveront bien plus aisément les avantages s'ils trouvent dans leurs femmes une instruction à peu près égale, s'ils peuvent faire avec elles les lectures qui doivent entretenir leurs connaissances, si, dans l'intervalle qui sépare leur enfance de leur établissement, l'instruction qui leur est préparée pour cette époque n'est point étrangère aux personnes vers lesquelles un penchant naturel les entraîne. Petit 4, parce que les femmes ont le même droit que les hommes à l'instruction publique. Enfin, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Elles ont donc celui d'obtenir les mêmes facilités pour acquérir les lumières qui seules peuvent leur donner les moyens d'exercer réellement ces droits, avec une même indépendance et dans une égale étendue. L'instruction doit être donnée en commun, et les femmes ne doivent pas être exclues de l'enseignement. Puisque l'instruction doit être généralement la même, l'enseignement doit être commun et confié à un même maître qui puisse être choisi indifféremment dans l'un ou l'autre sexe. Elles en ont été chargées quelquefois en Italie, et avec succès. Plusieurs femmes ont occupé des chaires dans les plus célèbres universités d'Italie et ont rempli avec gloire les fonctions de professeur dans les sciences les plus élevées sans qu'il en soit résulté ni le moindre inconvénient, ni la moindre réclamation, ni même aucune plaisanterie dans un pays que, cependant, on ne peut guère regarder comme exemple de préjugé et où il ne règne ni simplicité ni pureté dans les mœurs. Nécessité de cette réunion pour la facilité et l'économie de l'instruction. La réunion des enfants des deux sexes dans une même école est presque nécessaire pour la première éducation. Il serait difficile d'en établir deux dans chaque village et de trouver, surtout dans les premiers temps, assez de maîtres si on se bornait à les choisir dans un seul sexe. Elle est utile aux mœurs, loin de leur être dangereuse. D'ailleurs, cette réunion, toujours en public et sous les yeux des maîtres, loin d'avoir du danger pour les mœurs, serait bien plutôt un préservatif contre ces diverses espèces de corruption dont la séparation des sexes vers la fin de l'enfance ou dans les premières années de la jeunesse est la principale cause. À cet âge, les sens égarent l'imagination et trop souvent l'égarent sans retour si une douce espérance ne la fixe pas sur des objets plus légitimes. Ces habitudes, avilissantes ou dangereuses, sont presque toujours les erreurs d'une jeunesse trompée dans ses désirs, condamnée à la corruption par l'ennui et étreignant dans de faux plaisirs une sensibilité qui tourmente sa triste et solitaire servitude. On ne doit pas établir une séparation qui ne serait réelle que pour les classes riches. Ce n'est pas sous une constitution égale et libre qu'il serait permis d'établir une séparation purement illusoire pour la grande pluralité des familles. Or, jamais elle ne peut être réelle hors des écoles, ni pour l'habitant des campagnes, ni pour la partie peu riche des citoyens des villes. Ainsi, la réunion dans les écoles ne ferait que diminuer les inconvénients de celles que, pour ces classes, on ne peut éviter dans les actions ordinaires de la vie, où elle n'est cependant ni exposée au regard de témoins du même âge, ni soumise à la vigilance d'un maître. Rousseau, qui attachait à la pureté des mœurs une importance peut-être exagérée, voulait, pour l'intérêt même de cette pureté, que les deux sexes se mêlassent dans leur divertissement. Y aurait-il plus de danger à les réunir pour des occupations plus sérieuses ? La séparation des sexes a pour principale cause l'avarice et l'orgueil. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est point à la sévérité de la morale religieuse, à cette ruse inventée par la politique sacerdotale pour dominer les esprits, ce n'est point à cette sévérité seule qu'il faut attribuer ces idées d'une séparation rigoureuse. L'orgueil et l'avarice y ont au moins autant de part, et c'est à ces vices que l'hypocrisie des moralistes a voulu rendre un hommage intéressé. C'est, d'un côté, à la crainte des alliances inégales, et de l'autre, à celle du refus de consacrer les liaisons fondées sur des rapports personnels, que l'on doit la généralité de ces opinions austères. Il faut donc, loin de les favoriser, chercher à les combattre dans les pays où l'on veut que la législation ne fasse que suivre la nature, obéir à la raison et se conformer à la justice. Dans les institutions d'une nation libre, tout doit tendre à l'égalité, non seulement parce qu'elle est aussi un droit des hommes, mais parce que le maintien de l'ordre et de la paix l'ordonne impérieusement. Une constitution qui établit l'égalité politique ne sera jamais ni durable ni paisible si on la mêle avec des institutions qui maintiennent des préjugés favorables à l'inégalité. Il serait dangereux de conserver l'esprit d'inégalité dans les femmes, ce qui empêcherait de le détruire dans les hommes. Le danger serait beaucoup plus grand si, tandis qu'une éducation commune accoutumerait les enfants d'un sexe à se regarder comme égaux, l'impossibilité d'en établir une semblable pour ceux de l'autre les abandonnait à une éducation solitaire et domestique. L'esprit d'inégalité qui se conserverait alors dans un sexe s'étendrait bientôt sur tous deux, et il en résulterait ce que nous avons vu arriver jusqu'ici de l'égalité qu'on trouve dans nos collèges et qui disparaît pour jamais au moment même où l'écolier croit devenir un homme. La réunion des deux sexes dans les mêmes écoles est favorable à l'émulation et en fait naître une qui a pour principe des sentiments de bienveillance et non des sentiments personnels, comme l'émulation des collèges. Quelques personnes pourraient craindre que l'instruction nécessairement prolongée au-delà de l'enfance ne soit écoutée avec trop de distraction par des êtres occupés d'intérêts plus vifs et plus touchants. Mais cette crainte est peu fondée. Si ces distractions sont un mal, il sera plus que compensé par l'émulation qu'inspirera le désir de mériter l'estime de la personne aimée ou d'obtenir celle de sa famille, Une telle émulation serait plus généralement utile que celle qui a pour principe l'amour de la gloire, ou plutôt l'orgueil. Car le véritable amour de la gloire n'est ni une passion d'enfant, ni un sentiment fait pour devenir général dans l'espèce humaine. Vouloir l'inspirer aux hommes médiocres, et des hommes médiocres peuvent cependant obtenir les premiers prix dans leur classe, c'est les condamner à l'envi. Ce dernier genre d'émulation, en excitant les passions haineuses, en inspirant à des enfants le sentiment ridicule d'une importance personnelle, produit plus de mal qu'il ne peut faire de bien en augmentant l'activité des esprits. La vie humaine n'est point une lutte où des rivaux se disputent des prix. C'est un voyage que des frères font en commun et où chacun, employant ses forces pour le bien de tous, en est récompensé par les douceurs d'une bienveillance réciproque, par la jouissance attachée au sentiment d'avoir mérité la reconnaissance ou l'estime. Une émulation qui aurait pour principe le désir d'être aimé ou celui d'être considéré pour des qualités absolues et non pour sa supériorité sur autrui, pourrait devenir aussi très puissante. Elle aurait l'avantage de développer et de fortifier les sentiments dont il est utile de faire prendre l'habitude. Tandis que ces couronnes de nos collèges, sous lesquelles un écolier se croit déjà un grand homme, ne font naître qu'une vanité puérile, dont une sage instruction devrait chercher à nous préserver, si malheureusement le germe en était dans la nature, et non dans nos maladroites institutions. L'habitude de vouloir être le premier est un ridicule ou un malheur pour celui à qui on l'a fait contracter et une véritable calamité pour ceux que le sort condamne à vivre auprès de lui. Celle du besoin de mériter l'estime conduit, au contraire, à cette paix intérieure qui seule rend le bonheur possible et la vertu facile. Conclusion. Généreux amis de l'égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire ou craignez de perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. N'imaginez pas que les lois les mieux combinées puissent faire un ignorant l'égal de l'homme habile et rendre libre celui qui est l'esclave des préjugés. Plus elles auront respecté les droits de l'indépendance personnelle et de l'égalité naturelle, plus elles rendront facile et terrible la tyrannie que la ruse exerce sur l'ignorance en la rendant à la fois son instrument et sa victime. Si les lois ont détruit tous les pouvoirs injustes, bientôt elle en saura créer de plus dangereux. Supposez par exemple que dans la capitale d'un pays soumis à une constitution libre, une troupe d'audacieux hypocrites soit parvenue à former une association de complices et de dupes, que, dans 500 autres villes, de petites sociétés reçoivent de la première leurs opinions, leurs volontés et leurs mouvements, et qu'elles exercent l'action qui leur est transmise sur un peuple que le défaut d'instruction livre sans défense aux fantômes de la crainte, aux pièges de la calomnie. N'est-il pas évident qu'une telle association réunira rapidement sous ses drapeaux et la médiocrité ambitieuse et les talents déshonorés? Qu'elle aura pour satellite docile cette foule d'hommes, sans autre industrie que leurs vices, et condamnés par le mépris public à l'opprobre comme à la misère? Que bientôt, enfin, s'emparant de tous les pouvoirs, gouvernant le peuple par la séduction et les hommes publics par la terreur, elle exercera, sous le masque de la liberté, la plus honteuse comme la plus féroce de toutes les tyrannies? Par quels moyens, cependant, vos lois, qui respecteront les droits des hommes, pourront-elles prévenir les progrès d'une semblable conspiration? Ne savez-vous pas combien, pour conduire un peuple sans lumière, les moyens des gens honnêtes sont faibles et bornés auprès des coupables artifices de l'audace et de l'imposture? Sans doute il suffirait d'arracher aux chefs leur masque perfide, mais le pouvez-vous? Vous comptez sur la force de la vérité, mais elle n'est toute puissante que sur les esprits accoutumés à en reconnaître et à en chérir les nobles accents. Ailleurs, ne voyez-vous pas la corruption se glisser au milieu des lois les plus sages et en gangréner tous les ressorts? Vous avez réservé au peuple le droit d'élire, mais la corruption, précédée de la calomnie, lui présentera sa liste et lui dictera ses choix. Vous avez écarté des jugements la partialité et l'intérêt. La corruption saura les livrer à la crédulité que déjà elle est sûre de séduire. Les institutions les plus justes, les vertus les plus pures ne sont, pour la corruption, que des instruments plus difficiles à manier, mais plus sûr et plus puissant. Or, tout son pouvoir n'est-il pas fondé sur l'ignorance? Que ferait-elle en effet si la raison du peuple, une fois formée, pouvait le défendre contre les charlatans que l'on paye pour le tromper, si l'erreur n'attachait plus à la voix du fourbe habile un troupeau docile de stupides prosélytes, si les préjugés, répandant un voile perfide sur toutes les vérités, n'abandonnaient pas à l'adresse des sophistes l'empire de l'opinion? Achèterait-on des trompeurs s'ils ne devaient plus trouver de dupes? Que le peuple sache distinguer la voix de la raison de celle de la corruption, et bientôt il verra tomber à ses pieds les chaînes d'or qu'elle lui avait préparées. Autrement, lui-même y présentera ses mains égarées et offrira, d'une voix soumise, de quoi payer les séducteurs qui les livrent à ses tyrans. C'est en répandant les lumières que, réduisant la corruption à une honteuse impuissance, vous ferez naître ces vertus publiques qui seules peuvent affermir et honorer le règne éternel d'une paisible liberté.